Lettre 44e, Agathoclès à Phocion, Hiéropolis, mai 302. Une bataille sanglante vient d'avoir lieu. Elle a coûté la vie à des milliers d'hommes, et j'étais bien près de la perdre. Sans la bravoure et l'amitié dévouée de Constantin, ton ami n'existerait plus. Nous avons été battus, et nous nous retirons sur les bords de l'Euphrate. Le camp est près d'Hiéropolis. Mais j'ai suivi mon général et mon sauveur dans cette ville, où il fut obligé de se faire transporter pour panser les blessures qu'il a reçues en me défendant de la mort. Tandis qu'il repose dans la chambre voisine, je me hâte de t'écrire, afin qu'aucune nouvelle alarmante ne vienne t'inquiéter sur mon existence et que mon silence ne confirme tes craintes. Galerius, qui attendait avec impatience l'occasion de venger la honte de Valérien et celle de la République romaine, chercha à livrer une bataille, peut-être avec plus d'empressement que de réflexion. Une malheureuse circonstance l'engagea à choisir pour le champ de bataille les vastes plaines de Caroé, où jadis Crassus et ses légions trouvèrent leur tombeau. Sur ce sol aride et brûlant, Galerius fut-il mal instruit ou trop assuré du succès, je l'ignore. Quoi qu'il en soit, il attaqua les Perses avec fureur, malgré l'opposition de tous ses capitaines. L'attaque fut chaude. Les Romains connurent la supériorité du nombre de l'ennemi et leur danger, mais en même temps, l'honneur du non-romain et la soif de la vengeance les soutenaient. On se battit avec une bravoure sans égale, mais le sable perfide et brûlant fléchissait sous nos pieds, et le soleil lançant à plomb ses rayons enflamma, réchauffa tellement nos armures qu'elles devinrent insupportables. Les Perses, constamment secourus par les troupes fraîches, se renouvelaient comme la tête de l'hydre. Ils opposèrent une résistance opiniâtre à nos bras affaiblis par la chaleur dévorante. Le gros de leur armée se jeta sur le centre de la nôtre, commandé par Galerius. Il fut forcé, et dès lors la confusion et le désordre fut général. Constantin seul eut assez de présence d'esprit pour assembler son corps dispersé par le tumulte et lui faire passer le pont qui traverse l'Euphrate, nous laissant par cette manœuvre l'espoir de la retraite. Les troupes ennemies, éparpillées, volèrent alors en désordre contre le pont et un grand nombre trouva la mort dans les flots. Tiridate, qui était la cause de cette guerre, attirait particulièrement l'attention de chaque soldat persan. Mais, trop orgueilleux pour acheter sa sûreté par un déguisement, remarquable d'ailleurs par sa brillante armure et sa superbe figure, il traversa les rangs à toute bride et se vit tout à coup entouré par un gros de troupes persanes. Il n'était pas question de résistance, et dans cette persuasion, il donne des éperons à son cheval et court à l'Euphrate. Les ennemis l'atteignaient. Plus de ressources pour lui que de se jeter dans les flots déjà couverts de cadavres. Il sauta avec sa pesante armure dans les eaux écumantes. Je le crus perdu, mais avec une force gigantesque, il combattit contre le fleuve et atteignit les bords opposés, malgré l'immense largeur de l'Euphrate, où il fut reçu par les nôtres avec de grands cris de joie. Après cela, les Perses cherchèrent à couper la retraite à nos détachements. Mais Constantin, à notre tête, défendit le pont avec autant de courage que de sang-froid. Tout à coup, le général ennemi s'avance. L'armure très simple de Constantin l'avait probablement induit en erreur. Il me prit pour le chef, et dans l'espoir d'obtenir les dépouilles opimes, il lève son cimeter sur moi. J'avais le dos tourné, et ce coup aurait indubitablement tranché le fil de mes jours si Constantin, au péril de sa propre vie, ne l'avait pas reçu sur son bouclier et sur son bras. Ce ne fut qu'au moment de ma délivrance que je reconnus le danger que j'avais couru. Je me retournai, et plus prompt que l'éclair, je me vengeai sur mon ennemi de la blessure de Constantin. Le Perse mordit la poussière en expirant, les siens prirent la fuite. Nous passâmes en toute tranquillité le pont, qui fut à l'instant rompu, et ce ne fut qu'en lieu de sûreté, et lorsque nous remontâmes nos chevaux, que je trouvai le moment d'exprimer ma reconnaissance à mon généreux libérateur. Ce ne fut aussi qu'alors qu'il s'aperçut de sa blessure et qu'il tomba baigné de sang dans mes bras et sans connaissance. Nous nous tenions fortement d'embrasser, et je ne rougis pas de t'avouer que je sentis des larmes inonder mes joues. Il revint à lui. « Tu es à moi, me dit-il. Je t'ai acheté de mon sang. » Je le pressai contre mon cœur en silence. Ce ne furent pas nos lèvres, mais nos âmes qui se jurèrent amitié et fidélité inviolable. Je le portai loin du tumulte. Ses gens accoururent, et tout ce que l'attachement le plus vif et le zèle le plus dévoué put inventer fut employé pour le soulager. La blessure est profonde, mais peu dangereuse. Je vis autour de lui. Je dors ou veille à ses côtés. Mille liens nous unissent chaque jour davantage, et mon cœur s'ouvre avec délices aux sentiments élevés, aux vues, aux projets de Constantin. Ses circonstances, sa façon de penser, son amitié pour moi colorent de nouveau mon avenir et me rattachent à la vie. Les grandes idées de l'humanité absorbent la faible considération d'un chagrin individuel et devient la voie du devoir et de l'utilité générale. Je tais celle de mes souvenirs amers. Qu'importe aux grandes vues de la Providence le bonheur ou le malheur imaginaire d'un seul être, il est heureux celui qui est appelé à y concourir et dont la vie n'a pas été tout à fait inutile au bien de ses semblables, quelle qu'était d'ailleurs sa destinée particulière. Adieu, cher Phocion.